Pour commencer, quelques mots au sujet de la langue italienne. Pour vous montrer que la langue que vous allez apprendre n'est pas si différente que ça du français. Il y a, en effet, entre le français et l'italien, une large base commune qui vous sera familière. À tel point qu'une très grande partie du vocabulaire français présente des similitudes avec l'italien. Le vocabolario, le vocabulaire, ne devrait donc pas présenter de problème. Le plus important est d'apprendre à formuler vos propres pensées, à mettre en pratique la langue, autrement dit, apprendre les constructions. Et c'est ce que vous allez acquérir ici. Pour vous donner quelques exemples de mots qui se ressemblent dans les deux langues, prenons par exemple ceux qui se terminent en français par « ible », comme « possible », qui en italien se dit « possibile ». Possibile. Possibile, avec deux S comme en français, qui se prononce très distinctement. Possibile. P-O-2-S-I-B-I-L-E. L'équivalent du « ible » français, c'est donc « ibile », en insistant bien sur le premier « i ».« Ibile ». Par exemple, « terrible » se dit « terribile ». « Horrible »« horribile ». Le « c'est » de « c'est possible » se dit « est ». Et s'écrit tout simplement « e » avec un accent grave. « Est ». Alors, comment diriez-vous « c'est possible » ? Est possibile. Est possibile, oui. Et ce n'est pas se dit non est. Non suivi de est. Avec non qui s'écrit comme notre nom français. Mais comme en italien on prononce toutes les lettres, on dit non. Non. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'équivalent du mot pas. En italien, est veut dire c'est. Non est, ce n'est pas. En italien, on met non devant le verbe, c'est-à-dire ici devant est, et rien après. Donc, ce n'est pas possible se dira. Non est possibile. Non est possibile. Pour moi, c'est per me. Per, P-E-R. Per me veut dire pour moi. Alors, comment dit-on c'est pour moi? Et per me. Et per me. Et ce n'est pas pour moi? Non est per me. Non est permis. Et ça ne m'est pas possible, mot à mot en italien, ce n'est pas possible pour moi. Non est possibile permis. Non est possible permis. Pour vous, quand on vous voit quelqu'un, se dit per lei. On écrit lei, L-E-I. Per lei. Per lei peut aussi vouloir dire pour elle. Donc, bonne nouvelle, pour vous et pour elle se disent de la même façon. Alors, par exemple, c'est pour vous se dira. E per lei. Oui, c'est ça. E per lei. Et c'est pour elle? Et per lei. Voilà. Et per lei. Comme c'est pour vous. Et comment diriez-vous ce n'est pas pour moi? Non est per me. C'est ça. Non est per me. Maintenant, dites-moi, ça vous est possible, mot à mot, c'est possible pour vous, en vous voyant votre interlocuteur. Est possible per lei. Voilà, est possible per lei.